إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc je voulais faire un petit rappel pour clôturer cette journée de cours bi'idhnillahi ta'ala. Et j'ai longuement hésité sur le sujet que j'allais choisir pour clôturer donc cette journée de cours parmi vous. Et finalement, mon choix s'est posé sur un athar qui est rapporté de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. وَلَا يَخْلُو هَذَا الْأَثَرْ مِنْ مَقَالِ. Et ce athar, il y a des paroles dessus, sur son authenticité. Son authenticité est remise en question. Mais beaucoup de savants l'ont cité dans leurs livres et l'ont expliqué. Et Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, comme ils disent, Hafiz al-Maghrib, celui qu'ils appellent Hafiz al-Maghrib, Ibn Abd al-Barr. Il l'appelait donc Hafiz, le Hafiz du Maghreb, de l'Ouest islamique, de l'Occident islamique, en comparaison avec Hafiz al-Mashriq, al-Khatib al-Baghdadi. Hafiz al-Mashriq, le Hafiz de Mashriq, était al-Khatib al-Baghdadi, qui était à Bagdad, en Irak, et de l'autre côté de l'Empire islamique, fil Andalus, en Andalousie, Hafiz al-Maghrib, qui était Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, wa rahimallahu al-Khatib. Ibn Abd al-Barr, tout comme al-Khatib al-Baghdadi, kilahuma, les deux ont cité ce athar. Ibn Abd al-Barr, il dit, non. وهو حديث مشهور عند أهل العلم يستغنى عن الإسناد لشهرته عندهم. فابن عبد البر après avant de citer le athar, il dit donc c'est donc un récit connu chez les gens de science et dont on se passe de la chaîne de transmission, tellement il est connu chez les gens de science, en raison de sa grande expansion chez les gens de science. هو وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد. C'est l'exhortation du chef des croyants, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, à l'attention du tabi'i Kumayl ibn Ziyad. Et la version sur laquelle je me suis basé ici, c'est la version qui a été rapportée par Abu Nu'aym dans son livre « Hilyat al-Awliya ». L'ornement des Awliya. Enfin, il dit « An Kumayl ibn Ziyad قال أخذ علي ibn Abi Talib بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان فلما أصحرنا جلس ثم تنفس ثم قال يا كميل ابن زياد القلوب أوعية القلوب أوعية فخيرها أوعاها واحفظ ما أقول واحفظ ما أقول لك الناس ثلاثة الناس ثلاثة فعالم رباني فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق العلم خير من المال العلم خير من المال العلم يحرسك العلم العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على العمل وفي رواية على الإنفاق العلم يزكو على العمل وفي رواية على الإنفاق يعني يزكو بمعنى ينمو والمال تنقصه النفقة ومحب نعم أي نعم وفي رواية هنا العلم حاكم والمال محكوم عليه ومحبة العالم دين يدان بها العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوث وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعة المال تزول بزواله مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة إنها هنا وأشار إلى قلبه أو إلى صدره وأشار بيده إلى صدره إنها هنا علما لو أصبت له حمله بلى أصبته لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له، لا بصيرة له في إحيائه، وفي رواية في أحنائه، وهو الصواب. يقتدح الشك في قلبه بأول عارض له من شبهة، أو بأول عارض من شبهة، لا ذا ولا ذاك، أو منهوم باللذات والشهوات، أو منهوم باللذات سلس القياد للشهوات، أو مغرا بجمع الأموال والادخار، وليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منهم المترفون، وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، وفي رواية بالملأ الأعلى. أولئك خلفاء الله في بلاده، وفي رواية في أرضه، ودعاته إلى دينه. شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولك، إذا شئت فقم. Donc dans ce athar, Kumayl ibn Ziyad, il dit, Ali ibn Abi Talib radiallahu an m'a pris par la main, puis il m'a emmené vers Al-Jabban, qui était un cimetière. Puis, une fois que nous sommes arrivés là-bas, nous nous sommes assis, puis il a respiré, yani Ali, puis il a dit, « Oh Kumayl ibn Ziyad, les cœurs sont des récipients, et le meilleur d'entre eux est celui qui emmagasine le plus, qui retient le plus. » Et retiens ce que je vais te dire. Les gens sont de trois types. Les gens sont de trois types. Un savant Rabbani. Qui sait éduquer. Et un étudiant. Qui est sur le chemin du salut, ni sur le chemin de la guidée. Et des gens sots, qui suivent tout crieur, tout appeleur. Ils penchent avec tous les vents qui passent. Tout vent qui passe, y en a, ils partent avec. Ils ne se sont pas illuminés par la lumière de la science, ni ne sont retournés vers un pilier bien enraciné. Puis il lui dit, la science est meilleure que l'argent. La science est meilleure que l'argent ou que les biens. La science, elle te protège. La science, elle te protège. Alors que l'argent, c'est toi qui le protèges. La science, elle augmente avec les actes, et dans une version, elle augmente avec la dépense. Plus tu dépenses ta science, plus tu propages ta science, plus ta science augmente. Donc la science, elle augmente avec les actes ou avec le fait de la propager. Hein? Alors que l'argent, il diminue plus tu le dépenses. Et dans une version, ici il dit, la science est un juge. Elle juge des situations. Qui a raison, qui a tort, qui a raison. Où est le vrai, où est le faux. Où est le bien, où est le mal. Donc la science est un juge. Alors que l'argent sera jugé. Tu seras jugé sur ton argent. Plus tu as de l'argent, plus tu es riche. C'est pour cela que dans le hadith, les pauvres entreront au paradis 50 000 ans avant les riches. C'est quoi qui a retardé les riches de l'entrée à l'entrée au paradis? C'est le jugement qu'ils ont sur quoi? Sur tout l'argent qu'ils ont amassé. Hein? Vous vous rendez compte? Non. Puis il dit ensuite, l'amour du savant est une religion. Est un acte d'adoration par lequel on adore Allah subhanahu wa ta'ala. La science, elle octroie au savant l'obéissance des gens durant sa vie. Et les éloges, les belles, le fait que les gens vont bien parler de lui après sa mort. Donc la science, elle octroie cela aux savants. La science, elle octroie aux savants que quoi? Que les gens, pendant sa vie, ils l'écoutent. Ils écoutent ce qu'il dit. Et ils suivent ses enseignements. Et une fois qu'il est mort, malgré qu'il est mort, eh bien, on ne cesse de quoi de parler de lui en bien. Les gens ne cessent de parler en lui. De parler de lui en bien. Alors que l'argent, l'impact, l'effet de l'argent, il disparaît avec sa disparition. Une fois que l'argent, tu l'as dépensé, ça y est, khlas, il n'a plus d'effet. Puis il dit, ceux qui amassent l'argent sont morts alors qu'ils sont vivants. Ceux qui amassent l'argent, leurs cœurs sont morts. C'est ça le sens. Leurs cœurs sont morts alors qu'ils sont vivants. Puisqu'ils ne pensent qu'à l'argent, à amasser l'argent. Alors que les savants restent tant que il y aura vie sur terre. Leurs personnes disparaissent, leur être disparaît, mais leurs paroles restent présentes dans les cœurs. Puis ensuite il dit, Ali ibn Abi Talib radiallahu an, ici, et il a montré sa poitrine, ici il y a une science, ici il y a de la science. Si seulement je trouvais des personnes capables de la porter. Puis il dit, certes, je ne trouve autour de moi que des gens qui ont des facilités de mémorisation, mais qui ne sont pas dignes de confiance sur ce dépôt de science que je vais leur laisser. Ils utilisent l'outil de la religion pour obtenir des profits mondains. Ils se servent des preuves d'Allah. Ils se servent des preuves d'Allah contre son livre. Yani, ils confrontent les versets, les preuves les unes contre les autres. et ils se servent des bienfaits d'Allah contre les serviteurs d'Allah. Ou alors, une personne qui se soumet à la vérité et qui est avec les gens de la vérité, hein, qui suit les gens de la vérité, mais qui n'a pas de clairvoyance. Le doute s'installe dans son cœur à la première ambiguïté à laquelle il est exposé. Qu'il entend ou qu'il voit, elle s'installe dans son cœur. Puis il dit, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, ni celui-ci, ni celui-là. Aucun des deux ne convient pour que je lui dépose, je lui donne la science que j'ai en dépôt. Ou alors une personne qui est plongé dans les plaisirs et qui se laisse aller à ses désirs, ou une personne qui est trompée par l'amassement de l'argent, et aucun de ces deux-là ne fait partie des gens qui appellent à la religion, mais ils sont plus semblables à des bestiaux. C'est ainsi que meurt la science avec la mort de ceux qui la portent. Puis Ali radiallahu anhu, il dit, oh Allah, oh que si la terre ne peut se vider au point qu'il n'y ait plus personne qui expose l'épreuve pour Allah, afin que l'épreuve d'Allah ne disparaisse pas. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un, quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Pour exposer la vérité aux gens. Comme dans le hadith bien connu de At-Ta'if al-Mansour, « La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin » Il y aura toujours un groupe de ma communauté triomphant. Il y aura toujours un groupe de ma communauté sur la vérité et triomphant. Ceux qui les contredisent ou essayent ou les trahissent ne pourront leur nuire jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, et dans une version jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin du monde. Ces gens qui expose la vérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui expose l'épreuve pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui sont les moins nombreux, mais qui ont la plus haute place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par eux, Allah subhanahu wa ta'ala défend ses preuves jusqu'à ce qu'il les transmette à leurs semblables et qu'il les plante dans les cœurs de gens similaires à eux. La science les a fait connaître la réalité des choses. Et donc, ce que les gens qui sont pris par des fois, la traduction, elle est compliquée de certains termes, certaines phrases. En gros, ce qu'il veut dire ici, c'est que les gens qui sont dans la dunya, ils trouvent compliquées ces choses-là, alors que pour eux, ces gens qui sont dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont la clairvoyance dans cela, pour eux, ce sont des choses faciles. Stalanu mastaw'ara minhu al-mutrafun. Et ils ont trouvé la sérénité et la tranquillité dans des choses que les ignorants ne trouvent pas dans ces choses-là, leur tranquillité. Les ignorants, quand ils sont dans la science, dans certains sujets de science. Ils en ont marre. Ils ne sont pas à l'aise. Alors que eux, ces gens-là, ils trouvent, c'est dans cela qu'ils trouvent quoi ? Qu'ils trouvent leur sérénité et leur tranquillité. Dans la science. La science du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mirath al-nubuwa, l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont sur terre avec leur cœur. Enfin, ils sont sur terre par leur corps. Ou plutôt, ils sont sur terre avec des corps dont les cœurs sont rattachés à l'au-delà. Ceux-là sont ceux qu'Allah a fait hériter de la terre. Et ce sont ceux qui appellent à sa religion. Puis Ali ibn Abi Talib, il dit, comme j'aimerais les voir ces gens-là, comme je suis pressé de les voir ces gens-là, et je demande à Allah le pardon pour toi et pour moi et pour toi, Kumail. Et maintenant, si tu veux, tu peux te lever. Yani, Afar, yani, rempli de belles paroles. Et c'est pour cela que les savants lui ont donné une importance, et beaucoup de savants l'ont expliqué. Parmi Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada, et parmi Ibn Rajab, dans son livre Kashf al-Qurba, fi wasfi Ahli al-Ghurba, et également Al-Khatib al-Baghdadi, dans son livre Al-Faqih wal-Mutafaqih, et d'autres. Et juste aujourd'hui, même si j'aurais pu m'arrêter là, je vais quand même vous rajouter encore un petit peu. Et nous allons juste nous arrêter aujourd'hui sur les trois premières lignes. Lorsque Ali dit à Kumail, « Ô Kumail ibn Ziyad, les cœurs sont des récipients et les meilleurs des cœurs sont ceux qui retiennent le plus. » Ibn al-Qayyim, rahimahullah, par rapport à cela, il dit quand il dit les meilleurs des cœurs sont ceux qui retiennent le plus, c'est-à-dire ceux qui retiennent le plus rapidement et qui retiennent le plus de choses et qui gardent ce qu'ils ont retenu avec fermeté. Et en aucun cas, ils ne laissent s'échapper ce qu'ils ont retenu. Et également, il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ceux qui retiennent le mieux. Puis, Al-Khatib, ensuite, par rapport à la division que Ali, radiallahu anhu, a donné des gens, il dit que les gens sont de trois types. Un savant Rabbani, un étudiant sur le chemin du salut et des gens sots qui suivent tout crieur, tout appeleur. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, il dit par rapport à cela, il a cité ce athar dans un chapitre de son livre Al-Faqih wa Al-Mutafaqih. Le chapitre, il a intitulé Dhikr taqsim Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib ahwal an-nas fi talab al-ilmi wa tarkihi. Chapitre rapportant la division ou la subdivision du chef des croyants Ali ibn Abi Talib de l'état des gens en ce qui concerne la recherche de la science et son délaissement. Puis il a cité ce athar. Puis il a dit تقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد، لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام الثلاثة. Il dit le fait que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il a divisé les gens par rapport à la recherche de la science, hein, en donnant cette subdivision, c'est une subdivision yani vraiment yani très authentique et très réelle et très correcte, car l'être humain ne sort pas de ces trois choses, de ces trois cas. Jusqu'à ce qu'ils disent imma an yakuna aliman, soit c'est un savant, ou muta'alliman, ou alors c'est un étudiant, il y a quelqu'un qui étudie, ou muraffalan lil ilmi wa talabihi laysa bi'alim wa la talibin lahu. Donc soit c'est un savant, soit c'est quelqu'un qui étudie, ou soit c'est quelqu'un qui est négligent, hein, qui néglige la science, qui est insouciant, qui ne prête pas attention à la science et à la recherche de la science. Ce n'est pas un savant et ce n'est pas un étudiant. Ni il n'est savant et ni il ne cherche à étudier, à apprendre et à connaître. Reste maintenant à définir qu'est-ce qu'un alim rabbani ? Qu'est-ce qu'un savant Rabbani? Parce que Ali ibn Abi Talib, il a divisé les gens en trois. Alimun Rabbani, un savant Rabbani. Le deuxième, un étudiant, Muta'allimun ala sabili najat, un étudiant sur le chemin du salut. Et le troisième type, des gens sots qui suivent tout à pleurs. Et le terme qu'il a employé en arabe pour ce troisième type de personne, tu peux aussi le traduire par nam, les gens du bas peuple, les gens nam, yani, comme on dirait la racaille. Nam, dans certaines traductions du mot ra'a, ils disent la racaille. Nam, yani, des gens qui n'ont pas de quoi, qui n'ont aucun des gens sans intérêt. Des gens sans intérêt. Donc le premier d'abord, Al-Alimur Rabbani. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Ali Imran, Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wal-nubuwa. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله il dit, il n'accompte pas un homme qu'Allah lui donne la connaissance du livre, le jugement et la prophétie, puis qu'il dise aux gens: adorez-moi en dehors d'Allah. Soyez mes serviteurs en dehors d'Allah. Mais ils disent aux gens, soyez rabbaniyin. Soyez rabbaniyin de ceux que vous enseignez du livre et de ceux que vous étudiez. Ici donc on retrouve al-rabbani. Al-rabbani. Dans ce verset, Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, dans son exégèse du Coran, il dit Ey, kunu rabbaniyin, ey, ulama, hukama, hulama, muallimina linnas, wa murabbihim, bisigari l'ilmi, qabla kibarihi, amilina bithalik. فهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل. Donc, soyez rabbaniyin, c'est-à-dire, soyez savants, sages, patients, enseignant aux gens et éduquant les gens par les petites sciences, la petite science avant la grande science, et appliquant cela, Donc les prophètes, ils ont ordonné d'apprendre, d'appliquer et d'enseigner, qui sont ces trois choses qui sont donc ce sur quoi repose le bonheur. Et en fonction de ce qui va te manquer de ces choses-là, de la science ou de l'application de la science ou de l'enseignement de la science, en fonction de ce qui va te manquer de cela, eh bien, c'est en fonction de cela que sera, donc, seront tes manquements et tes défauts. Et Ata, rahimahullah, le tabi'i, il disait, en parlant donc de Rabbaniyin, ulama, hukama, nusaha'u lillah fi khalqih. Soyez savants, sages, et portez le conseil aux créatures pour Allah, comme l'a cité Al-Barawi dans son tafsir. Et Al-Wahidi, il disait, dans son tafsir, Al-Wasit, il disait, قال سيبويا, que beaucoup disent سيبوي, نعم, فقال سيبويا زادوا ألفا ونونا في الرباني إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب إلى أن قال الواحدي فالرباني على هذا القول منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بعلم الرب أي بعلم الشريعة وصفات الرب عز وجل. Al-Wahidi, donc, il disait, Sibouya a dit, ils ont rajouté un alif et un nun dans le mot Rabbani, lorsqu'ils ont voulu spécifier par là la science du Seigneur, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la science de sa législation et de ses attributs. La science de la religion d'Allah et des attributs d'Allah. Donc si on prend cette explication, Al-Alim al-Rabbani, c'est le savant de la religion d'Allah, celui qui a la science de la religion d'Allah et qui a la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Zad al-Ma'ad, il parle également des Rabbaniyin. Il dit فجهاد النفس أربع مراتب أربع مراتب. Le combat de son âme, il est de 4 degrés. إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق. Le premier degré de jihad al-nafs, du combat de son âme. Le premier degré, c'est quoi? C'est que tu combattes ton âme. Pourquoi? Pour apprendre la science, pour apprendre la guider, pour apprendre la religion de vérité. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. Puis ensuite, qu'il combatte son âme pour appliquer la science qu'il a connu, qu'il a apprise. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه لمن لا يعلمه. Le troisième degré de jihad al-nafs, du combat de son âme, c'est de combattre son âme. Pourquoi? Pour propager la science que tu as apprise et de l'enseigner à ceux qui ne la connaissent pas. الرابعة, le quatrième degré, أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق وتحمل ذلك كله لله. Le quatrième degré de jihad al-nafs, du combat de son âme, c'est quoi? C'est de combattre son âme. Pourquoi? Pour supporter et endurer les épreuves dans la da'wa à Allah et supporter les préjudices que te font les créatures, que tu supportes tout cela pour Allah. Tu supportes le mal des créatures pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ce sont les quatre degrés de quoi? De jihad al-nafs, le combat de l'âme. Que tu la combattes dans l'apprentissage de la science, que tu la combattes dans l'application, la mise en pratique de cette science, puis que tu combattes ton âme pour propager cette science et la répandre, puis que tu combattes ton âme pour supporter les épreuves dans la da'wa. فَإِذَا اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْمَرَاتِبَ الْأَرْبَعَ صَارَ مِنَ الرَّبَّانِيِّينَ. Celui donc qui va compléter ces quatre degrés, celui qui va compléter ces quatre degrés de jihad al-nafs, du combat de son âme, il aura quoi? Il deviendra, il fait partie de quoi? Des rabbaniyin. Il fait partie des rabbaniyin. فَإِنَّ السَّلَفَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُسَمَّ رَبَّانِيًا حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ وَيَعْمَلَ بِهِ ويعلمه فمن علم وعلم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, ça c'est dans Zad al-Ma'ad, dans le troisième volume à la page 9, il dit donc les salafs sont unanimes sur le fait que le savant ne peut être appelé, ne mérite pas d'être appelé Rabbani jusqu'à ce qu'il connaisse la vérité, qu'il la mette en pratique et qu'il l'enseigne. Donc celui qui a mis en pratique et a enseigné, celui-là, il est considéré comme une personne immense dans les cieux, dans le royaume des cieux. Donc, en résumé, pour finir sur Al-Rabbani, Al-Alim Al-Rabbani, Al-Tabari, Rahimahullah, dans son tafsir, il dit فَالْرَبَّانِيُّونَ إِذَنْ هُمْ عِمَادُ النَّاسِ فِي الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَأُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَلِذَلِكَ قَالَ مُجَاهِدٌ وَهُمْ فَوْقَ الْأَحْبَارِ لِأَنَّ الْأَحْبَارِ هم العلماء والرباني الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. Donc il dit al-Tabari dans son tafsir, donc les rabbaniyun, ce sont les personnes sur lesquelles les gens s'appuient dans le fiqh est dans la science et dans les choses de la religion et du bas monde. Et c'est pour cela que Mujahid, le tabi'i Mujahid, rahimahullah, il disait que al-Rabbaniyoun, ils sont au-dessus des Ahbar. Dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, si je ne me trompe pas toujours dans Ali Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ » Si seulement les Ahbar et les Rabbaniyoun leur interdisaient le mal qu'ils font, il a cité plusieurs choses que les enfants d'Israël faisaient comme mal. Donc Allah, il a fait une différence entre Al-Ahbar qui sont les savants et Al-Rabbaniyoun qui sont, et Mujahid dit que Al-Rabbaniyoun ils sont au-dessus des savants. C'est un degré encore au-dessus du simple savant. Tu as les savants, et après au-dessus des savants, tu as Al-Rabbaniyoun. Et ça, ça te fait comprendre qu'il y a des degrés dans les savants. Il y a des degrés dans les gens de science. Tu as d'abord le petit étudiant qui commence, qui débute, novice. Il est affilié à la science dans le sens que quoi qu'il... Il est dans la démarche de quoi? D'apprendre la science. Puis l'étudiant moyen, puis l'étudiant confirmé. Puis après cela, arrive le degré de quoi? Du savant. Donc tu as le simple savant. Puis au-dessus du simple savant, tu as Al-Rabbani. Et celui également que tu appelles Al-Imam. Quand tu dis d'une personne, c'est un imam dans la religion, c'est un grand savant. Fa Rabbaniyun sont des savants qui sont plus savants que les autres savants. Qui ont complété plus de choses que le simple savant. L'allahu min al-Rabbaniyin, wallahu a'lam. Wayyak. Donc, Mujahid, il dit que Rabbaniyin, ils sont au-dessus des savants. Car, en expliquant cela, Tabari, il dit, car le Rabbani, c'est celui qui, en plus d'avoir réuni la science, en plus d'avoir réuni la science, la connaissance de la religion et le fiqh, il a en plus de cela, de la clairvoyance dans la manière de quoi de gérer les gens, de gérer les gens et de s'occuper des gens et de les éduquer et de les améliorer dans leur religion et dans leur vie de tous les jours. Ça, c'est le Alim Rabbani. Le savant Rabbani, il a cette sagesse, en plus de sa science et cette clairvoyance qui lui permet de qui lui permet de quoi? De savoir comment éduquer les gens. Ce n'est pas simplement il te donne la science comme ça. Et c'est pour cela que l'imam al-Sa'di, rahimahullah, il a dit الذين يعلمون الناس معلمين معلمين للناس ومربيهم بصغار العلم قبل كباره, qui éduque les gens par la petite science avant la grande science, avant de te rentrer dans toutes les divergences et dans les questions compliquées et dans les questions subtiles de la science, des sciences islamiques. Il t'enseigne les choses simples jusqu'à ce que tu les maîtrises, puis ils évoluent avec toi. Ils évoluent avec toi. Ils s'adaptent à ton niveau. Ils ne te donnent pas tout ce qu'il a. Parce que s'ils te donnaient tout ce qu'il a, peut-être que tu vas te tuer avec ça. Peut-être que ça va te tuer. Comme ils ont dit, ta'am ul-kibar, ish. Soum ul-sirar. C'est pour cela qu'ils ont dit que la nourriture des grands, la nourriture des adultes, c'est le poison des enfants, c'est le poison des petits. Un enfant, un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère, si tu lui donnes un morceau de viande, aussi petit soit-il, si tu lui donnes un morceau de viande, il va s'étouffer. Il ne sait pas comment le manger, il ne peut pas le manger même s'il voulait. Parce qu'il n'a pas de dents pour le mâcher, pour permettre à cette matière qui est dans sa bouche de pouvoir rentrer dans son corps. Enfin, c'est la même chose. Le savant Rabbani, il ne te donne pas tout ce qu'il a comme science. Parce que des questions de science qu'il connaît et qu'il maîtrise, s'il te les donne, tu ne veux pas savoir comment les utiliser et comment les gérer et comment les comprendre. Et un exemple souvent que je donne, je dis souvent, la science, c'est un océan. La science, c'est un océan. Si tu jettes au milieu de l'océan quelqu'un qui ne sait pas nager, il va se noyer directement. En quelques secondes, il va se noyer. Au milieu des grandes vagues de l'océan, Et c'est pour cela que celui qui ne sait pas nager, qu'est-ce qu'on commence par faire avec lui? On reste avec lui sur le bord de la plage, qu'il s'habitue à voir l'eau, naam, il marche sur le bord de la plage, naam, pour qu'il s'habitue avec l'eau. Puis ensuite, on va aller avec lui, naam, un peu plus au fond, pour commencer à lui apprendre à nager, là où il a pied, de sorte que s'il se rate, naam, il pourra se rattraper sur ses jambes, et ne pas se noyer. Puis une fois au fur et à mesure qu'il évolue dans la nage, et qu'il maîtrise de plus en plus la nage, et plus on va pouvoir aller loin avec lui. Fahakaza. Plus la personne, il va maîtriser la nage, et plus il pourra aller loin. Jusqu'à ce qu'il puisse aller au milieu de l'océan, et il va savoir comment affronter ces grandes vagues. Il ne va pas aller les affronter de front. Mais il va plonger sous l'eau et laisser la grande vague passer au-dessus de lui. Et c'est ainsi pour la science. Si tu rentres dans les grandes questions, dans les grosses divergences, compliquées et subtiles, ou dans les questions subtiles, alors que tu n'as pas les outils qui te permettent de comprendre ces questions et de savoir comment gérer les textes que tu as devant tes yeux, les hadiths et les versets que tu as devant tes yeux, tu vas te perdre. De la même façon que celui qui ne sait pas nager et qui va au milieu de l'océan va se noyer. Toi, tu vas te noyer dans tous ces textes. Et dans tous ces livres. Donc c'est pour cela que tu vas commencer par apprendre les choses simples qui vont te donner des bases solides. Jusqu'à ce que tu saches que tu évolues dans la connaissance et que tu saches ensuite comment gérer tous ces textes et comment gérer tous ces livres. Et là, après cela, une fois que tu maîtrises cela, tu as les outils. Tu as les bases solides et les outils qui te permettent de comprendre et de savoir comment gérer les textes que tu as devant toi et comment gérer les livres que tu as devant toi. Là, à partir de là, maintenant, tu peux rentrer dans ces questions-là. Et tu sauras que quand il y a une question qui est trop compliquée pour toi, tu sauras comment l'esquiver. Et que ça ne sert à rien que tu cherches à donner ton avis dessus alors que tu n'as pas les épaules pour. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'alim al-rabbani. Ceci était la première partie de l'explication de cette exhortation de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu à Kumayl ibn Ziyad. Et voici maintenant la deuxième partie. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc hier, nous avions commencé un rappel après la prière de l'Asr, dans lequel nous avons cité une parole qui est rapportée de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, dans une exhortation qu'il a fait à un tabi'i, qui est la deuxième génération de musulmans, ceux qui ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce tabi'i s'appelait Kumayl ibn Ziyad. Et donc Ali radiyallahu anhu, selon ce qui est rapporté de lui, il a fait donc une longue exhortation dont nous avons cité le texte hier et nous avons commencé à l'expliquer. Et nous avons dit que nous allons nous arrêter pour ce rappel juste à la partie dans laquelle Ali radiallahu anhu il dit à Kumayl: An-nasu thalatha fa'alimun rabbani fa'alimun rabbani wa muta'allimun ala sabili najat wa hamajun ra'a atba'u kulli na'iq يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. Donc dans cette partie, Ali radiallahu anhu, il dit à Kumayl ibn Ziyad, les gens sont de trois types. Un savant, Rabbani, qui sait éduquer les gens. Rabbani, un savant, Rabbani. Et nous avons expliqué hier, nous avons détaillé l'explication des savants sur qui est considéré comme un alim Rabbani. Et nous avons vu que le alim Rabbani, le savant Rabbani, c'est un degré au-dessus du simple savant. C'est un degré au-dessus du simple savant. Et ce sont des savants qui éduquent la communauté par la petite science avant la grande science, etc. Parmi tout ce que nous avons expliqué hier. Et pour ceux qui n'étaient pas là, ils pourront retourner à l'audio bi'idhnillahi ta'ala. Donc le premier type de personnes, comme dit Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, ce sont les savants, al-ulama al-rabbaniyoun, les savants rabbani. Et le deuxième type de personnes, il dit Ali radiallahu anhu, wa muta'allimun ala sabili najat, un étudiant sur le chemin du salut, un étudiant qui est sur le chemin du salut. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah, il explique quel est cet étudiant qui est sur le chemin du salut. Il dit ay qasidan bi'ilmihi an-najat wa huwa al-mukhlis fi ta'allumihi al-muta'allim ma yanfa'uhu al-'alim al-'amilu 'afwan al-'amilu bima 'alima. Yani Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que l'étudiant, celui qui étudie et qui est sur le chemin du salut, c'est celui qui réunit ces trois choses. Celui qui recherche quoi? Qui recherche par son apprentissage à sauver son âme de l'enfer, à sauver son âme de l'égarement. C'est celui, tout d'abord, qui est sincère dans son apprentissage. Il apprend sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il apprend ce qui lui est bénéfique. C'est la deuxième des choses. Il apprend ce qui lui est bénéfique. Et la troisième des choses, al-amilu bima alima, celui qui applique, qui met en pratique ce qu'il a appris. Ces trois choses, c'est ce qu'il fait, c'est ce qui fait de l'étudiant quelqu'un qui est sur le chemin du salut. Et c'est pour ça qu'il continue Ibn al-Qayyim rahimahullah et il dit فَلَا يَكُونُ الْمُتَعَلِّمُ عَلَى سَبِيلِ نَجَاتٍ إِلَّا بِهَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ إِنْ تَعَلَّمَ مَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ النَّجَاتِ وَإِنْ تَعَلَّمَ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ لَا لِلنَّجَاتِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ تَعَلَّمَهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ النَّجَاتِ. Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, donc l'étudiant ne peut être sur le chemin du salut qu'avec ces trois choses. Donc s'il apprend des choses qui lui sont néfastes, qui lui sont nuisibles et qui ne lui sont pas profitables, il n'est pas sur le chemin du salut. Et s'il apprend des choses qui lui sont profitables, mais il ne les apprend pas pour sauver son âme. Il a un problème dans quoi? Dans sa sincérité. Il a un problème dans l'ikhlas. Également, il n'est pas sur le chemin du salut. La science qu'il est en train d'apprendre, c'est une science bénéfique. C'est une science profitable. Mais du fait qu'il n'est pas sincère dans son apprentissage, eh bien, il n'est pas sur le chemin du salut. Et la troisième des choses, il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, et s'il apprend cette chose bénéfique, et qu'il est sincère dans son apprentissage, mais qu'il ne la met pas en pratique, eh bien, il n'obtiendra pas le salut. Il ne sera pas sauvé. Puis, il dit, dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans la suite, فَهَذَا فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ. Donc celui-là, qui a réuni donc ces trois choses, il apprend ce qui lui est bénéfique. Et il est sincère dans son apprentissage. Il recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala par son apprentissage. Et il met en pratique la science qu'il a apprise. Celui-là, il est dans le deuxième degré. Le premier degré, c'est le degré de quoi ? Al-alimur rabbani. Hein ? Le savant rabbani. Et vous reviendrez à l'explication de rabbani, inshallah ta'ala. Le deuxième degré, si tu ne peux pas être un savant, si tu n'es pas un savant rabbani, alors sois le deuxième. Quelqu'un qui apprend et qui est sur le chemin du salut, qui apprend ce qui lui est bénéfique, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qui le met en pratique. Et donc là, tu seras ce deuxième type de personne que Ali radiallahu anhu a désigné et qui font partie des personnes de bien. Puis il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, concernant ce deuxième type de personne, il dit « وَلَيْسَ مِمَّنْ تَعَلَّمَهُ لِيُمَارِي بِهِ السُّفَهَا أَوْ يُجَارِي بِهِ الْعُلَمَا أَوْ يَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَإِنَّ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ. يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah que donc cet apprenti, cet étudiant qui est sur le chemin du salut, il ne fait pas partie de ceux qui apprennent pour polémiquer avec les ignorants, ni pour concurrencer et débattre avec les savants, ni pour tourner les visages des gens vers lui, hein, ni pour attirer les gens à lui. Car s'il fait cela, celui qui apprend la science pour ensuite polémiquer avec les ignorants ou pour se confronter aux savants ou pour que les gens se tournent vers lui, celui-là, il fait partie des gens de l'enfer comme il est venu dans le hadith authentique rapporté par Ibn Majah et jugé authentique par Cheikh Al-Albani rahmahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est rapporté par Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, n'apprenez pas la science pour concurrencer les savants ou pour polémiquer avec les ignorants ou pour tourner les visages des gens vers vous. Et quiconque fait cela, eh bien il fait partie des gens de l'enfer. Malheureusement, tu vas trouver des gens qui apprennent la science et qui apprennent la science auprès des savants de confiance. Mais leur intention dans leur apprentissage, c'est pour pouvoir ensuite, lorsqu'ils vont retourner dans leur pays, pour pouvoir s'enorgueillir devant les autres, pour montrer la science qu'ils ont apprise, hein, pour se vanter. Oui, moi je connais telle ou telle chose. Ou d'autres, ils apprennent pour pouvoir ensuite se confronter aux savants. Et d'autres apprennent pour humilier les ignorants. Donc tu dois prendre garde à cela si tu ne veux pas rentrer dans ce hadith. Car celui qui rentre dans cela, dans une de ces trois choses, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie des gens de l'enfer. Puis, le troisième type de personnes, ce sont, comme l'a dit Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, El Hamajur Ra'a, les gens sots qui suivent tout crieur, tout appeleur, tout prêcheur, toute personne qui les appelle à une chose, ils le suivent. Ceux qui penchent avec le vent, hein, avec tout vent qui passe, ni ils se sont illuminés par la lumière de la science, et ni ils ne sont retournés vers un pilier bien enraciné. Ni ils ne font partie du premier groupe de personnes qui sont les savants rabbaniyin, et ni ils ne font partie du second groupe de personnes qui sont ceux qui apprennent afin de sauver leur âme. Donc si tu ne fais pas partie d'une de ces deux catégories, je crains que tu fasses partie de la troisième. Les gens sots, les gens qui ne sont pas intelligents et qui suivent toute personne qui les appelle à quelque chose, ils le suivent. Et c'est pour ça que Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, lorsqu'il a cité ce affaire de Ali radiallahu an, et qu'il l'a commenté, il a dit: وأما القسم الثالث فهم المهملون لأنفسهم الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة. Il dit, Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, le troisième type de personnes, ce sont ceux qui se négligent et qui se satisfont, hein, ils sont satisfaits de la basse place qu'ils ont. Sont des gens ignorants et ils ne cherchent pas à sortir de leur ignorance. Ils se complaisent dans leur ignorance et ils se laissent aller à toute personne qui va les appeler. Toute personne qui parle de la religion, ils le suivent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont, comme il a dit à la fin du Athar, hein, ni ils se sont illuminés de la lumière de la science et ni ils sont retournés vers quoi ? Vers un pilier bien enraciné, vers un savant bien enraciné dans la science, pour savoir est-ce que ce à quoi on les appelle est vrai ou faux. Et donc, cette personne, ni il n'est un savant, ce troisième type de personne, ne sont ni des savants ni des étudiants. Ils n'ont pas la science suffisante. Ils n'ont pas de connaissances suffisantes pour savoir si ce à quoi on les appelle est la vérité ou non. Donc toute personne qui les appelle, ils le suivent. Que ce soit un appel vers la guidée ou un appel vers l'égarement. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit sur ce type de personnes: Ha'oula laysu min ahli al-basa'ir الذين استضاءوا بنور العلم ولا لجأوا إلى عالم مستبصر فقلدوه فلا مستبصرين ولا متبعين لمستبصر فإن الرجل إما أن يكون بصيرا أو أعمى متمسكا ببصير يقوده أو أعمى يسير بلا قائد. Subhanallah, mathalun jamil, mathala bihi Ibn al-Qayyim rahimahullah, ha'oula al-hamaj al-ru'a' ou al-ra'a'. Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, ces gens, ni ils ne font partie des gens de clairvoyance qui se sont illuminés par la lumière de la science, et ni ils ne sont retournés vers un savant clairvoyant en le suivant. Donc ni ils ne sont clairvoyants, et ni ils n'ont suivi quelqu'un de clairvoyant. Puis il donne un exemple, Ibn al-Qayyim rahimahullah. Hein? Il donne un exemple, il dit: l'homme, soit il est voyant, la personne, soit il voit, donc il n'a besoin de personne, il voit et il avance tout seul. Ou alors il est aveugle, mais il s'accroche à quelqu'un de voyant qui va le guider et lui faire éviter les pièges. lui faire éviter les dangers. Ou alors, s'il ne fait ni partie des voyants, ni des aveugles qui se font guider par un voyant, alors ce sont des aveugles qui avancent sans guide. Et l'aveugle qui avance sans personne pour le guider, eh bien il va tomber dans des pièges, il va tomber dans des trous, il va s'exposer à tous les dangers. Et donc il a donné, dans cet exemple, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a donné l'exemple des trois personnes que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a cité. فَالْعَالِمُ الرَّبَّانِي نَمْ هُوَ الْبَصِيرُ وَالْمُتَعَلِّمُ عَلَى سَبِيلِ النَّجَاتِ هُوَ الْأَعْمَى الْمُتَمَسِّكُ بِبَصِيرُ يَقُودُهُ وَالْبَاقُونَ الْهَمَجَ الرَّعَاعُ فَهُمْ الْعُمْيَانَ الَّذِينَ يَسِيرُونَ بِلَا قَائِدٍ. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son exemple, quand il a donné l'exemple de l'aveugle et du voyant, il les a divisés comme Ali radiallahu anhu a divisé les gens. Lorsqu'il a dit le savant Rabbani, lui c'est qui? C'est le voyant. C'est l'exemple du voyant, celui qui voit. Et l'étudiant qui est sur le chemin du salut, c'est un aveugle mais qui s'accroche à quelqu'un de clairvoyant, à quelqu'un de voyant qui va le guider au salut, qui va le guider au droit chemin. Et quant au reste, les gens sots qui suivent n'importe qui, c'est l'exemple de l'aveugle qui avance sans guide. Et Cheikh Obeid al-Jabiri, hafidhahullah, wa shafah, وأمد في عمره وأطال في عمره في طاعته. يدعي الشيخ عبيد الجابري حفظه الله يتبعون كل واحد كل من تكلم في جانب من جوانب السنة مخلوطا بأضعاف كثيرة ظنوه هو العالم النحرير وقد رفع أناس بسبب هؤلاء الهمج الرعاع لأنهم يتبعون كل ناعق حتى جعلوه في مصف الدعاة إلى الله على بصيرة. فشيخ عبيد الجابري il dit en explication de ce hadith, en expliquant donc ce troisième type de personnes qui suivent tout prédicateur, tout prêcheur, il dit Cheikh Obeid, ils suivent n'importe qui, toute personne qui parle sur un point de la sunna, toute personne qui parle sur une question de la sunna, qui appelle à une sunna, de l'autre côté il y a beaucoup de choses, beaucoup d'égarements qu'il a mélangé à la sunna à laquelle il appelle, il appelle à une sunna mais il la mélange avec beaucoup de bid'ah, avec beaucoup d'égarements, et bien cette personne, ils le suivent en pensant que c'est un savant clairvoyant, en pensant que c'est un savant clairvoyant. Puis il dit Cheikh Obeid, et à cause de ces gens sots qui suivent n'importe qui, des gens ont été élevés. Des gens ont été élevés. Car ces gens sots suivent toute personne qui les appelle, tout prêcheur, jusqu'à le mettre au rang des prédicateurs à Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance, alors qu'en réalité c'est une personne de l'égarement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de science. Ce sont des gens qui n'ont pas de science et ils ne sont pas retournés vers des savants de confiance pour savoir de qui ils doivent prendre, de qui ils ne doivent pas prendre. Donc toute personne qui vient, qui les appelle, qui parle un peu de la sunna, il pense que cette personne, c'est un grand savant. Il pense que cette personne, c'est quelqu'un qui appelle à la vérité. Lakin, les savants et les étudiants clairvoyants qui sont sur le chemin du salut, ils voient que ce à quoi appelle cette personne, il y a un mélange. de haqq et de batil, de vrai et de faux. Et donc, yani, c'est ici que nous allons arrêter par rapport à ce affaire de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Même si j'aurais bien voulu lire une chose Il est quelle heure là 16h30 Hein 18h30 3 10 minutes Il reste combien pour la salat 5 minutes Non mais il est l'heure même Taïb On va Inch'Allah, on va s'arrêter là, bi'idhnillah, avec juste une dernière parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et je vous invite également, j'avais prévu de le lire également, mais ça risque d'allonger encore. La kalima et les frères sont fatigués, il y en a qui doivent rentrer. Enfin, on va juste terminer sur cette petite parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, par rapport donc à ce affar et à la division de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu les gens en trois. Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah هذا تقسيم حاصر للناس وهو الواقع فإن العبد إما أن يكون قد حصل كماله من العلم والعمل أو لا فالأول العالم الرباني يعني الذي حصل كماله من العلم والعمل هو العالم الرباني أو لا يعني لم يحصل كماله في العلم والعمل فهو الثاني ويقول والثاني إما أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك الكمال ساعية في إدراكه أو لا فالأول الذي نفسه متحركة في طلب ذلك الكمال فهو المتعلم على سبيل النجاة والثالث الذي ليست نفسه متحركة في طلب الكمال هو الهمج الرعاع فالأول هو الواصل والثاني هو الطالب والثالث هو المحروم والثالث هو المحروم Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah cette division englobe tous les gens et c'est la réalité car certes la personne soit Il a atteint la plénitude. Hein, la personne, soit il a atteint la plénitude dans la science et la mise en pratique, ou non. Donc s'il l'a atteint, alors celui-là c'est qui ? Al-alim al-Rabbani, le savant Rabbani. Et s'il n'a pas atteint la plénitude dans la science et dans la mise en pratique, alors soit c'est une personne, qui s'efforce d'essayer d'obtenir et d'atteindre cette plénitude, ou soit il ne fait pas d'effort pour atteindre cette plénitude. Enfin, le premier, celui qui fait des efforts pour atteindre cette plénitude, c'est qui ? C'est l'étudiant qui est quoi ? Qui est sur le chemin du salut. Il n'a pas atteint la plénitude dans la science et dans l'application, mais il essaye d'atteindre cet objectif. Il recherche, il va chercher la science pour essayer de quoi ? D'augmenter en science. Et d'augmenter, d'améliorer son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant au troisième, celui qui ne fait même pas d'effort, pourquoi ? Pour essayer d'atteindre cette plénitude, c'est le troisième type de personne, al-hamaj al-ra'a, les gens sots, et ceux qui suivent n'importe qui. Et à la fin, il termine en disant, Ibn al-Qayyim rahimahullah, donc le premier, c'est celui qui a atteint l'objectif. Le deuxième, c'est celui qui cherche à l'atteindre. Et le troisième, c'est celui qui est privé de tout bien. Fakhtar li nafsika ma tuhib. Donc, choisis pour toi-même ce que tu veux. Est-ce que tu veux faire partie du troisième type de personnes qui se contentent du peu de connaissances qu'ils ont et qui ne cherchent pas à mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala, à mieux connaître la religion, pour pouvoir mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et de sorte que tu seras une proie facile à tout prédicateur de l'égarement. Il y a des prédicateurs de l'égarement dont l'égarement est évident, mais il y en a dont l'égarement est plus subtil. Donc si tu veux être préservé de toute personne qui t'appelle à un égarement, eh bien tu dois pour cela faire des efforts dans l'apprentissage de la religion auprès des gens de science de confiance. Et à ce moment-là, tu feras partie du deuxième type de personnes. Muta'allimun ala sabili najat. Il a dit ala sabili najat. Il n'a pas dit najin. Il a dit il est sur le chemin du salut. Il n'a pas dit il est sauvé. Parce que on ne sait pas dans quel état on va mourir. Mais en tout cas, cet étudiant, il fait des efforts pour apprendre la science bénéfique auprès des gens de science, de confiance, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre en pratique ce qu'il apprend. Et si tu es sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et que tu apprends la science bénéfique qui est la science du Coran et de la Sunna avec la bonne compréhension, celle des pieux prédécesseurs, auprès des savants de confiance dont les savants qui sont recommandés par les grands savants. Si tu apprends ainsi, avec cette intention sincère, bi'idhnillah, il se peut qu'un jour tu fasses partie du premier type de personnes qui sont les savants rabbaniyin, ceux qui ont appris et qui ont atteint la plénitude dans la science. On ne dit pas qu'ils ont toute la connaissance. Personne ne peut englober toute la science de la religion. Mais ils ont atteint la plénitude d'une manière générale dans la science, de telle sorte qu'ils savent comment faire des recherches et comment faire des ijtihad pour même des nouvelles questions qui n'ont pas été évoquées précédemment. Ils vont faire un ijtihad pour trouver le statut de cette chose dans la religion. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les outils et ils ont l'expérience. Donc ils ont appris, puis ils ont mis en pratique ce qu'ils ont connu, puis ils l'ont enseigné aux autres. Et dans tout ça, ils déploient tous leurs efforts, malgré qu'ils ont atteint un haut degré dans la science et dans la mise en pratique et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne cessent leurs efforts. Comme disait l'imam Ahmed rahimahullah, lorsqu'ils lui ont dit, ils l'ont vu avec l'encre et la plume, en train d'écrire, en train de prendre des notes. Ils lui ont dit, Ya Aba Abdillah, ila mata ma'al mihbara. Ils lui ont dit, Oh Abu Abdillah, jusqu'à quand tu vas être là avec ton encrier? Il a dit, Ma'al mihbara ila al maqbara. Je serai avec mon encrier jusqu'à ma tombe. Jusqu'à ce que je rentre dans ma tombe. Jusqu'à ce qu'on me mette dans ma tombe. Fahakada. Les savants, ou des gens qui cherchent à sauver leur âme, ils ne se contentent jamais du degré qu'ils ont atteint. Mais ils cherchent toujours à quoi ? À progresser. Et à se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. À rechercher les textes pour trouver la vérité dans toutes les questions de la religion. Et à faire des efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne se contentent pas simplement d'apprendre et d'enseigner. Mais ce sont des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'efforcent dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme disaient certains salafs, ils disaient نستعين على حفظ الحديث على حفظ على حفظ الحديث بالعمل به. Hein? On s'aide dans la mémorisation des hadiths. Hein? Comment, qu'est-ce qu'on, en quoi on cherche de l'aide pour pouvoir, pour avoir des facilités pour mémoriser les hadiths? Hein? En le mettant en application. À chaque fois qu'ils apprenaient un hadith, ils le mettaient en application pour ne pas l'oublier. Hein? Quand tu mets en application les hadiths que tu as appris, tu ne vas pas l'oublier. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est un moyen qui va t'aider à quoi? À bien garder en mémoire la science que tu as apprise lorsque tu vas la mettre en pratique. Voilà le petit rappel que je voulais faire. Et comme j'ai dit, je vous recommande également de retourner vers la parole de Ibn Rajab, rahimahullah. Dans son livre Kashf al-Qurba fi wasfi ahli al-Ghurba, car il a apporté beaucoup d'explications bénéfiques sur ce athar, en divisant les gens entre les gens des shubuhat, les gens qui sont dans les ambiguïtés, et ahli al-Shahawat, les gens qui sont dans les plaisirs, et ahli al-Haqq, les gens de la vérité. Naam. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.